C'est-à-dire, tu juges selon le Coran et la Sunna, alhamdulillah, c'est-à-dire tu juges selon la vérité. Tu juges selon ce qui est en contradiction avec le Coran et la Sunna, c'est-à-dire tu juges selon ta passion. Peu importe comment tu essaies de le qualifier par la suite. Peut-être que tu vas dire, non, non, non, je ne juge pas selon ma passion, je juge selon telle ou telle idée, tel ou tel principe, tel ou tel système, mais tout ça c'est de la passion. Même si tu prétends que c'est basé sur la science, si ça contredit le Coran et la Sunna, c'est de la passion, c'est de l'égarement. Ensuite, le cheikh il explique, il dit وَلِكُلِّنْ لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ أَيْ الرَّسُلْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا أَيْ سَبِيلًا وَسُنَّةً فالرسل دينهم واحد وهو التوحيد كلهم جاءوا به وإن اختلفت شرائعهم. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset ce qui signifie, et à chacun d'entre vous, c'est-à-dire vous les messagers, nous avons donné une shir'atan wa minhaj, une shir'a, c'est-à-dire une sharia, et un minhaj, c'est-à-dire une législation et une voie à suivre, un chemin et une voie à suivre. Et les messagers, leur religion, c'est une seule et unique religion. Tous les messagers qui ont été envoyés par Allah, ils sont tous venus avec la même religion. Et cette religion, c'est quoi? C'est l'islam, c'est le tawhid. Et c'est ça ce qu'ils ont ramené. Malgré que ça se peut que parmi eux, certains avaient des législations qui diffèrent d'un à l'autre. Chaque prophète, chaque messager qui recevait une révélation, ben si c'est une législation, ça se peut qu'un autre messager qui reçoit une législation et sa législation est différente de celle que le messager avant avait. Mais la base de la religion qui est le tawhid, c'est le même message de base pour tous les messagers. فَإِنَّ شَرَعَ اللَّهِ لِكُلِّ أُمَّةٍ مَا يَعْنِي فَإِنَّ اللَّهَ يشرع لكل أمة ما يصلحها في وقتها ثم ينسخ ذلك بشريعة ثانية تصلح لوقت متأخر إلى أن جاء القرآن الكريم الذي جعله الله صالحا لكل زمان ومكان لا يغير ولا يبدل إلى أن تقوم الساعة لأن الله ضمنه كل ما يحتاجه البشر في كل شؤون حياتهم فهو العليم الخبير بما يصلح عباده فهذا القرآن لا ينسخ وأما ما قبله من الشرائع فكلها منسوخة بالقرآن الكريم الذي جعل الله له الهيمنة على الكتب السابقة. Donc le cheikh il dit que Allah a légiféré à chaque nation ce qui leur convenait à leur époque. Allah avait légiféré et fait descendre comme loi des principes qui correspondent à ces différentes nations à leur époque. Puis, par la suite, c'était abrogé par une autre charia qui venait par la suite, qui correspondait ou était plus propice pour une époque qui venait par la suite. Donc ça, c'était comme ça que ça se passait dans le passé. Chaque fois que Allah subhanahu wa ta'ala envoyait un nouveau messager avec une nouvelle charia, certaines choses étaient abrogées parce que chaque prophète venait avec une législation qui correspondait à l'époque, à l'époque dans laquelle il était envoyé. Tandis que ensuite le Coran est venu et Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que le Coran soit applicable pour toutes les époques qui vont suivre et pour tous les endroits par la suite, il y en a dans le monde, peu importe l'endroit, c'est une religion qui s'applique et cette législation, elle est bonne pour tous les endroits et pour toutes les époques qui viennent par la suite. Et c'est pour ça que le Coran et la Sunna et la Sharia d'Allah, on ne peut pas les changer. On ne peut pas les changer jusqu'à ce que l'heure du jugement dernier arrive. Contrairement à ceux qui sont, par exemple, les modernistes qui disent « Ah, mais là, on est à une époque moderne maintenant. Le Coran était révélé à une époque où les gens marchaient ils montaient sur des chameaux ou sur les dos d'ânes et ils vivaient dans le désert. Maintenant, on vit à dans une époque moderne avec des voitures, des avions, des ordinateurs, la technologie. Donc on ne peut plus suivre les lois qui sont révélées dans le Coran. Hein? Et ça c'est de l'égarement et c'est de l'ignorance. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, à l'époque où il a révélé le Coran, il savait très bien que, hein, parce qu'il sait tout, il est omniscient, il connaît le passé, il connaît l'avenir. Et il savait, même avant d'avoir créé les cieux et la terre, que à telle ou telle époque, il y allait avoir un développement technologique, un avancement scientifique, et que les hommes allaient découvrir ces petits moyens que, qui existent à l'époque actuelle. Donc ça, c'est rien. C'est pas difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala de savoir ça. Et quand il a légiféré le Coran, il l'a légiféré de façon à ce que ça soit yani, applicable jusqu'à la fin des temps. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, sa législation dans le Coran, elle ne change pas. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans la charia ce qui répond à tous les besoins de l'humanité. Dans toutes leurs affaires et dans tous les aspects de la vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est l'omniscient et c'est lui qui est parfaitement informé de ce que le serviteur a besoin. Hein? Donc ce Coran, il ne peut pas être abrogé. En ce qui concerne les livres qui sont révélés et les législations qui ont été révélées auparavant, elles sont toutes abrogées par le Coran. Hein? Puisque Allah subhanahu wa ta'ala a donné au Coran la suprématie ou la supériorité et la yani disons elle a fait en sorte que le Coran soit au-dessus de tous les autres livres précédents et que le Coran vienne abroger tout ce qui était révélé. Walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khayrat. OK, thumma qala subhanahu walakin liyabluwakum fima ataakum liyabluwakum yani liyakhtabirakum فيما أتاكم فالله قادر أن يجعل الناس كلهم مؤمنين موحدين ولكنه سبحانه وتعالى أراد أن يبتليهم ويمتحنهم ويكون إيمانهم عن اختيار وإرادة ولا يكون إيمانهم عن إجبار. Donc le cheikh il dit, on a, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, mais il a fait cela pour vous éprouver. Hein? Il dit, si Allah aurait voulu, il aurait fait de vous tous une seule nation. C'est-à-dire une seule nation de croyants. Tout le monde est sur le tawhid. Tout le monde est croyant. Mais il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu que tout le monde soit des mu'minines. Que tout le monde soit une seule umma de croyants. Hein? Il a voulu plutôt éprouver les hommes, les tester, pour voir qui d'entre eux allait croire sincèrement et qui d'entre eux allait rejeter la vérité. Donc c'est pour nous éprouver qu'il a fait qu'il y ait justement chacun ait le choix dans sa foi. Puisqu'il a voulu que la foi des hommes soit de leur propre choix, et avec leur propre volonté, et non pas que leur foi soit quelque chose d'imposé, hein, et d'obligatoire, dans le sens que ce soit quelque chose qui soit forcé de croire, ou qu'ils ont été créés de cette façon-là. Non, Allah a voulu subhanahu wa ta'ala leur donner le choix d'accepter ou de rejeter la foi, pour les mettre à l'épreuve, pour les tester. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. C'est-à-dire que celui qui veut, qu'il croit, et celui qui ne veut pas, hein, ou celui qui veut, qu'il mécroit. C'est-à-dire que celui qui veut, qu'il croit, celui qui veut, qu'il mécroit. C'est-à-dire qu'il rejette la foi. Ça, c'est le verset 29 dans Sourate Al-Kahf. Mais il ne faut pas penser que, comme le cheikh il dit, هَذَا مِنْ بَابِ التَّهْدِيدِ. Il dit, quand Allah il dit ça, c'est dans le sens de la menace. Il dit que celui qui veut qu'il croit, celui qui veut qu'il mécroit, c'est une menace. Parce que si quelqu'un choisit la foi, alhamdoulilah, il sera sauvé, il ira au paradis. Mais celui qui choisit la mécréance et le rejet de la foi, eh bien, il va brûler en enfer. Donc, vous avez le choix. Mais sachez que si vous ne faites pas le bon choix, il y a des conséquences. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est une menace. Le cheikh il dit هذا من باب التهديد لا من باب الإقرار مما يحتج مما كما يحتج بعض الناس ويقولون إن الناس أحرار وإن هذه حرية الرأي وحرية العقيدة لو كان الأمر كذلك ما احتج إلى إرسال الرسل وإنزال الكتب. Donc le cheikh il dit, quand Allah il dit que celui qui veut qu'il croit, celui qu'il veut qu'il mécroit ou qu'il rejette la foi, ça c'est une menace. Ça ne veut pas dire on accepte tout le monde comme ils sont et qu'on dit que les gens sont libres. Voilà, tout le monde est libre de croire ce qu'il veut, puis hein, on a la liberté de croyance, liberté d'opinion, hein, puis tout le monde peut faire ce qu'il veut. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Parce que le cheikh dit dans ce cas-là, il n'y aurait pas eu aucun besoin d'envoyer des messagers et d'avoir fait descendre des livres à suivre. Donc, on a le choix d'accepter ou de rejeter la foi, mais en même temps, hein, c'est pas quelque chose qui est dans laquelle on dit, bon, ça y est, les gens sont libres. Non. C'est une obligation d'accepter la foi pour les croyants. Et toute personne raisonnable, toute personne qui comprend le message d'Allah et qui entend parler du message d'Allah, c'est une obligation pour lui de l'accepter. Hein? Et s'il ne l'accepte pas, il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences, ça c'est certain. Soit dans cette vie d'ici-bas, ou soit dans l'au-delà. Et le cheikh il dit, فالمقصود أن الله أراد أن يختبرهم وأن يجعل لإرادتهم ومشيئتهم دور في أعمالهم وأقوالهم وتدينهم فمن كان هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو السعيد فهذا هو السعيد ومن كان هواه تبعا لرغباته وشهواته فهذا هو الشقي. Donc le cheikh il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu les mettre à l'épreuve. Et il a voulu que leur volonté ait un rôle à jouer dans leurs actions, ainsi que dans leurs paroles, ainsi que dans leurs pratiques religieuses. Donc celui dont les passions sont en accord et suivent ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ramené, celui-là c'est celui qui sera heureux. Tandis que celui que sa passion c'est de suivre ses désirs et ses plaisirs, eh bien, il sera parmi ceux qui sont malheureux. ثم قال جل وعلا فاستبقوا الخيرات أي بادروا بالخيرات قبل أن تفوت لأن الدنيا تنتهي والأيام تنطوي والساعات تنقضي فإذا أخرت العمل فقد لا تدركه فعليك أن تبادر ولا تأجلوا عمل اليوم إلى الغد أو بعد غد أو العام القادم فإنك قد لا تدركه ولو أدركته فقد لا توفق وقد يعرض لك ما يحول بينك وبين ما تبغي وتعجز عن ذلك فبادر ما دمت متمكنا. Qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Ça c'est très important. Il dit qu'ensuite dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, alors, précipitez-vous, dépêchez-vous de faire des bonnes œuvres, avant que ces bonnes œuvres-là vous échappent. Avant que ces bonnes œuvres vous échappent. C'est-à-dire, avant que cette dunya termine. Avant que vos jours soient terminés. Avant que vous mourrez. Parce que si tu retardes toujours les actions, les bonnes œuvres, tu les retardes à chaque fois, peut-être que tu vas jamais être capable de les faire. Alors, précipite-toi, dépêche-toi, et retarde pas tes actions que tu dois faire aujourd'hui à demain. Dis pas je vais faire demain ou après-demain ou l'année prochaine, parce que tu sais pas si tu vas être capable d'arriver à les faire plus tard. Donc il dit, et même si tu arrives à vivre jusqu'à ce moment, à un moment plus tard pour les faire, peut-être que tu ne seras pas capable de les faire. Tu n'auras pas le succès de les faire comme il faut. Donc, yani, c'est possible qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui va se placer entre toi et la chose que tu voulais faire et que tu seras incapable de le faire à ce moment-là. Alors, dans ce cas-là, tant que tu es capable de faire une action au moment présent, alors précipite-toi, dépêche-toi d'essayer de le faire. Le cheikh il dit ensuite, ثُمَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي نِهَايَةِ هَذِهِ الْآيَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا. C'est-à-dire, peu importe où vous êtes, Allah va tous vous ramener. Et ça, c'est le verset donc 183, plutôt 148, dans Surat Al-Baqarah. فَاللَّهُ يَجْمَعُ الْخَلَائِقِ. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc il dit فَاللَّهُ يَجْمَعُ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى اخْتِلَافِ أَجْنَاسِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ وَيُجَازِيهِمْ بِهَا كُلٌّ بِحَسَبِ عَمَلِهِ فَلَا يَظُنُّ الظَّانُّونَ أَنَّ النَّاسَ مُهْمَلِينَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا يَصْرَحُونَ وَيَمْرَحُونَ وَيَلْعَبُونَ وَيُعْرِضُونَ عَنْ كِتَابِ اللَّهِ ثُمَّ يَنْتَهِي الْأَمْرُ بِمَوْتِهِمْ لَا بَلْ لا بد أن يكون لهم موعد مع الله جل وعلا يجازيهم فيه بأعمالهم ويحاسبهم عليها. Donc le cheikh il dit, puis Allah subhanahu wa ta'ala il dit à la fin des versets, hein, que là où que vous êtes, Allah va vous ramener, hein, Allah va tous vous ramener. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va réunir toutes les créations au jour, hein, toutes les créatures vont être ramenées au jour de la résurrection, yani, peu importe leur origine, peu importe leurs actions, ils vont tous être rassemblés et Allah va les récompenser et les rétribuer chacun selon ce qu'ils ont fait. Alors que quelqu'un ne pense pas parmi les hommes que, yani, que quelqu'un parmi les hommes ne s'imagine pas ou ne pense pas que ils sont, yani, abandonnés dans ce monde, que Allah ne s'intéresse pas de ce qu'ils font, hein, ou que Allah subhanahu wa ta'ala est insouciant et les laisse faire ce qu'ils veulent. Non. Ils profitent de la vie comme, yani, pour jouer, pour s'amuser. Ils pensent que c'est ça, le but de la vie. Et ils se détournent du livre d'Allah. Puis vient la fin de leurs affaires lorsqu'ils meurent. Il dit non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas, yani, tu t'amuses, tu vis, puis tu manges, tu dors, tu bois, tu t'amuses, puis tu meurs. Hein? Tu vis comme des animaux, non. Il y a un rendez-vous avec Allah qui t'attend, dans lequel tu vas être rétribué pour tes œuvres. Et Allah va te juger pour ses œuvres. Il dit ثم أعاد سبحانه لنبيه الكرة فقال وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. Puis ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, yani, commence à s'adresser encore une fois à son messager et il lui dit dans le verset 49, et juge entre eux selon ce que Allah a révélé et ne suit pas leur passion. Et prends garde qu'ils ne cherchent de t'éprouver, hein, ou de te détourner d'une partie de ce que Allah t'a révélé. Et ça, c'est un conseil. Le cheikh il dit, هذه وصايا من الله سبحانه وتعالى لنبيه أن يحكم بين الناس بالقرآن والسنة وأن لا يتبع أهواءهم لأن ما خالف الكتاب والسنة فإنما هو أهواء ورغبات فعلى الحاكم أن لا يساير الناس في أهوائهم ورغباتهم وإنما يقدم أمر الشرع فيحكم به ثم قال سبحانه واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك وهذا تحذير لقادم الأيام فإن فتنتهم شديدة فاثبت على الحق الذي معك ودع باطلهم. Donc le cheikh il dit, ثم أعاد سبحانه لنبيه. Donc ça va Ibrahim? Alhamdulillah, barakallahu fik. Donc il dit, ça ce sont des conseils que Allah donne aux messagers, des consignes à suivre. Juge entre eux d'après ce que Allah a révélé, ne suis pas leur passion et prends garde qu'il ne te fasse détourner de quelque chose de ce que Allah t'a révélé, d'une partie de ce qu'il t'a révélé. Et donc, c'est des conseils que Allah donne à son messager pour qu'il juge entre les hommes selon le Coran et selon la Sunna, et qu'ils ne suivent pas leur passion, parce que tout ce qui contredit le Coran et la Sunna, c'est uniquement les passions et les désirs. Et donc, le dirigeant ou le juge, il ne doit pas faire plaisir aux gens dans leurs désirs et dans leurs passions et les suivre dans leurs désirs et dans leurs passions, hein, ou donner aux gens ce qu'ils veulent, juste parce qu'ils le veulent. À notre époque, les gens, ils pensent le contraire de ça. Parce que les gens disent, les gens qui sont élus dans les pays démocratiques, ils disent, on veut donner à la population ce que la population nous demande, ce qu'ils veulent, hein, parce qu'ils nous ont élus, et donc nous, en retour, on doit leur donner ce qu'ils veulent, hein. Mais c'est pas comme ça que le dirigeant doit faire, et c'est pas comme ça que ça doit fonctionner dans la religion d'Allah. Le dirigeant a leur responsabilité dans l'islam et le devoir de juger entre les hommes selon ce que Allah a révélé, même si ça déplaît à la population, même si ça dérange les désirs et les passions des hommes, même si c'est en contradiction avec ce que leurs passions et leurs désirs exigent, hein. Donc c'est pas de faire plaisir aux gens et de les suivre dans leurs passions, mais plutôt d'appliquer sur eux le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit ensuite, فعلى الحاكم أن لا يسير الناس في أهوائهم ورغباتهم. Mais il doit juger entre eux selon la révélation et le jugement d'Allah. ثم قال, et puis ensuite Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran ce qui signifie, et prends garde qu'il ne cherche de te faire détourner d'une partie de ce qui a été révélé. Hein, ils veulent te tenter à quitter ou à abandonner une partie de ce que Allah t'a révélé. Hein, donc ça c'est un avertissement pour l'avenir, parce que la fitna est grave avec ces gens-là. Hein, la fitna avec les hommes, elle est grande. Alors reste ferme sur la vérité qui t'est venue et laisse tomber leur fausseté. Même s'ils viennent, ils te disent n'importe quoi pour te faire détourner de la vérité, reste fort, reste ferme. Il dit, Wallahu Jalla wa ala yaqul, وَإِنْ كَادُوا لَيُفْتِنُوكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا فَإِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ فأهل الكفر والمنافقون مجتهدون في أن يفتنوا المسلمين في دينهم لا سيما العلماء وولاة الأمور فهم يحاولون استلامتهم إلى رغباتهم وشهواتهم في الأحكام والعمل بالقوانين والأنظمة المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا دينهم فهذا ديدنهم فعلى المسلمين أن يحذروا وخصوصا العلماء. Qu'est-ce qu'il explique ici le cheikh, hein? C'est très important. Qu'est-ce qu'il mentionne? Il cite les versets 73 à 75 dans Surat Al-Isra. Qui signifie, et quiconque aura été 72 à 75, non 73 à 75, ils ont failli, là Allah il s'adresse au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ils ont failli te détourner de ce que nous t'avons révélé. C'est-à-dire les mushrikoun, ils ont essayé de faire dévier le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de ce que Allah a révélé. Donc ils ont failli te détourner de ce que nous t'avions révélé, dans l'espoir qu'à la place de ceci, tu inventes quelque chose d'autre. Et l'impute à nous. C'est-à-dire que tu inventes quelque chose, puis tu l'imputes à Allah, faussement. Donc c'est ça ce qu'il souhaitait. Hein? Et alors, il t'aurait pris comme ami intime. C'est-à-dire, du moment que tu aurais commencé à déformer la parole d'Allah pour faire plaisir aux mushrikines, ils t'auraient pris comme leur meilleur ami. Hein? Pourquoi? Parce que tu leur fais plaisir dans ce que Allah t'a révélé. Et c'est ça ce que les koufars font aujourd'hui encore. Hein? Ils appellent les musulmans à se détourner de ce que Allah a révélé et à délaisser la révélation d'Allah. Puis après, ceux parmi les musulmans qui acceptent et qui se détournent de la révélation d'Allah et qui essaient de déformer le sens de la religion d'Allah, ils les prennent pour amis. Et ils les aident, ils les rapprochent. Et ils leur donnent plein de choses de la dunya. Hein? Bon, toi t'acceptes de mentir sur l'islam, t'acceptes de mentir sur l'islam pour nous, t'acceptes de déformer le sens de ce qui est écrit dans le Coran, t'acceptes de mentir sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hein? Alors t'es notre ami, t'es notre allié. Tu veux des voitures, on te donne des voitures. Tu veux des maisons, on te donne des maisons. Tu veux des plaisirs de la dunya, on te donne tout ce que tu désires. Parce que tu déformes la parole d'Allah dans le sens qui nous convient à nous. Donc, on va t'aider. Hein? On t'aime là-dedans. Donc, c'est ça la tentation de ces gens-là. Hein? Et même, ils essayent de faire ça, même avec le messager. Hein? Sallallahu alayhi wa sallam. Et si nous ne t'avions pas raffermi, tu aurais bien failli, hein? Tu aurais bien failli t'incliner quelque peu vers eux. C'est-à-dire que même le messager d'Allah, il a eu besoin d'être raffermi par Allah dans cette fitna, dans cette tentation. Hein? Il dit, si nous ne t'avions pas raffermi, tu aurais bien failli t'incliner quelque peu vers eux, même juste un petit peu. Hein? Et qu'est-ce que Allah lui dit après dans le verset suivant? Alors nous t'aurions certes fait goûter le double supplice de la vie et le double supplice de la mort, et ensuite tu n'aurais pas trouvé de secoureur contre nous. Hein? Donc ça c'est pour montrer la gravité de la fitna en question, de se détourner du jugement d'Allah et d'essayer d'écouter aux hypocrites et aux mécréants lorsqu'ils nous appellent à délaisser ou à s'écarter de ce que Allah nous a révélé. Malheureusement, beaucoup de musulmans sont indifférents ou insouciants à la gravité de ça. Et le cheikh, il dit, les gens de la mécréance et les gens de l'hypocrisie, ils sont des gens qui font beaucoup d'efforts pour essayer de tenter les musulmans dans leur religion, pour les faire dévier, pour les faire s'écarter de la religion, pour les faire s'écarter de la pratique religieuse. Hein? Et en particulier, les savants et les dirigeants. Ils font beaucoup d'efforts pour essayer de faire tourner... Non, j'ai pas besoin. Ils font beaucoup d'efforts pour faire dévier les savants et faire dévier les dirigeants. Hein? Et ils mettent sur eux de la pression pour essayer de les faire dévier. Ils essaient de les faire pencher vers leurs désirs. Ils essaient de les faire pencher vers leurs règles, vers leurs principes, vers leur système, hein, vers leurs lois qui sont en contradiction avec le Coran et la Sunna du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça leur habitude, et c'est ça ce qu'ils font. Et donc les musulmans doivent faire attention à ça, et en particulier les savants d'entre les musulmans, les ulama. Parce que c'est eux que les gens essaient toujours de tenter, hein, à faire dévier dans la religion d'Allah. Et là, on voit même tout ce qui se passe dans le monde actuellement. Tout est fait pour que les koufars essaient de tout faire pour salir l'image des musulmans et salir l'image de l'islam et de la charia. Et là, dernièrement, tu vois qu'est-ce qu'ils font dans les médias. Ils mettent de l'avant tous les criminels des gens des groupes de takfir et de khawarij qui tuent et qui font du désordre sur la terre. Ils les mettent au premier plan dans les médias, et ils disent ça c'est les musulmans, ça c'est l'état islamique, ça c'est la charia, ça c'est le khilafa, ça c'est ci. Des criminels, des gens qui font du désordre, qui tuent, qui font couler le sang, hein, qui jouent au soccer avec les têtes des gens, ils les mettent dans la télé, puis ils disent, regardez, c'est ça les musulmans, c'est ça l'islam, c'est ça la charia, c'est ça le khilafa, Donc qu'est-ce que les gens vont voir? Ils vont voir ça, ils vont dire, mais ça c'est des fous ces gens-là, hein? Et qu'est-ce qui se passe après? Même les musulmans commencent à vouloir se désavouer même de l'islam à cause de ça. Les musulmans voient ça et commencent à dire, ben moi j'ai rien à voir avec ça, c'est pas ma religion. Si c'est ça l'islam, c'est pas ma religion, hein? Alors que l'islam est innocent de ce que ces criminels-là sont en train de faire. Mais les koufars jouent un jeu de complicité, puis en même temps un jeu d'hypocrite dans cette situation-là, parce qu'ils savent très bien que c'est pas ça l'islam, mais ils font semblant de ne pas comprendre ou de ne pas savoir, justement pour faire en sorte que les gens aient peur de l'islam, aient peur de la religion et s'éloignent de l'islam en utilisant ce genre d'actes qui sont faits par ces ennemis de l'islam et ces hypocrites et ces égarés. Allah al-Musta'an. Donc le cheikh il dit ensuite, فَإِنْ تَوَلَّوْا يَعْنِي أَعْرَضُوا وَلَمْ يَقْبَلُوا فَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْدِ ذُنُوبِهِمْ. Ça c'est un verset qui fait vraiment, qui fait très peur, hein? C'est un verset qui fait très peur. Il dit, فَهَذَا فِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ تَرَكَ الْحَقِّ عُوقِبَ بِاتِّبَاعِ الْبَاطِلِ لأن الله يطمس على قلبه ويعمي بصيرته فيتبع الباطل أعوذ بالله فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وهنا الطامة حيث إن إصابتهم بسبب ذنوبهم إنما تكون في قلوبهم ولو كانت المصيبة بالمال لكان الأمر أسهل لأن الإصابة في القلب تعني الضلال والزيغ والعياذ بالله والله تعالى قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين فلا يرجع إلى الحق بعد ذلك. Ça c'est très épeurant, hein? Ça c'est très épeurant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, et s'ils se détournent après que tu leur as expliqué, que tu les as appelés à la vérité, que tu leur as dit tout ça, de juger selon la révélation d'Allah et de ne pas suivre leur passion, si après ça ils se détournent, hein, et ils n'acceptent pas, alors sache que c'est uniquement Allah qui veut les atteindre, hein, d'un châtiment à cause d'une partie de leur péché. À cause d'une partie de leur péché. Ça veut dire quoi? Le cheikh il dit, ça c'est la preuve que celui qui délaisse la vérité après avoir eu la connaissance, après qu'on lui ait fait connaître la vérité, il délaisse, il abandonne la vérité, eh bien Allah va le châtier et il aura comme punition qu'il va suivre le faux. Sa punition c'est qu'il va suivre le faux à la place, hein? On lui montre la vérité, il voit la vérité et il choisit sciemment de ne pas la suivre et de la laisser, il est puni en suivant ce qui est faux. Allah le punit en le faisant suivre ce qui est faux. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala va aveugler son cœur. Va aveugler son cœur. Il ne pourra plus comprendre la distinction entre le vrai et le faux, et donc il va suivre le faux par la suite. Alors sache que Allah veut uniquement les frapper à cause d'une partie de leur péché. Et donc c'est ça qu'est-ce qui est grave, le cheikh il dit le malheur dans cette affaire, c'est qu'ils sont frappés à cause d'une partie de leur péché. Mais ils sont frappés où? Ils sont frappés dans leur cœur. Hein? Ils sont frappés dans leur cœur. Et donc le cheikh il dit, si c'était qu'ils étaient frappés ou atteints dans leur bien, dans leur argent ou dans leur richesse, ça c'est facile, hein? Peut-être qu'ils vont perdre leur argent, peut-être qu'ils vont perdre leur dunya, hein? Ils vont avoir un accident dans leur voiture ou dans leur maison ou dans leur argent. Ça c'est facile, parce que ce que tu as perdu, tu peux le regagner. Mais quand tu es frappé dans ton cœur, dans ta foi, dans ta religion, dans la guidance, t'es frappé dans, Dans ton cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu tombes dans l'égarement. Ça veut dire que tu tombes dans la déviation. Et tout ça à cause de quoi? À cause de tes péchés. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans Surat Saf, le verset 5, à propos des Juifs, فَلَمَّا زَارُوا أَزَارَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Lorsqu'ils ont dévié, ils ont choisi la déviation, alors, pour les punir, Allah a fait dévier leur cœur. Ils ont choisi la déviation, pour les punir, Allah a fait dévier leur cœur. Et Allah ne guide pas les peuples pervers. Allah ne guide pas les peuples pervers. C'est pas pour rien. Allah n'a pas dit Allah ne guide pas les peuples croyants. Parce que les peuples croyants, Allah les guide. Les gens, ils ont de la difficulté à comprendre ça, la guidance et l'égarement. Ils se disent, oui, mais qu'est-ce qui arrive si Allah ne veut pas guider quelqu'un? Hein? Qu'est-ce qui arrive si Allah ne veut pas guider quelqu'un? Ou si Allah veut égarer quelqu'un? Parce que Allah, il dit dans le Coran, il dit le sens, hein? celui que Allah guide, personne ne peut l'égarer. Celui que Allah égare, personne ne peut le guider. Qu'est-ce qui arrive si Allah il veut t'égarer? Qu'est-ce qui arrive si Allah il veut te faire prendre le mauvais chemin? Eh bien, la réponse à cette question, c'est quoi? C'est que l'égarement de quelqu'un, c'est selon la sagesse d'Allah. Hein? C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il va te guider, il va t'égarer selon qu'est-ce que tu mérites. Si tu fais les actes de bien avec sincérité et que tu veux être guidé, Allah va te guider parce que ce sera la conséquence de tes bonnes actions. Mais si tu fais tout le contraire et tu souhaites pas la guidance et tu cherches l'égarement et la passion, puis après tu souhaites que Allah te guide, c'est contradictoire. Et donc, Allah, il guide celui qui mérite la guidance et il égare celui qui mérite l'égarement. Hein? Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il est juste. Donc, la personne qui cherche volontairement à s'égarer et à s'aveugler, Allah le punit en l'égarant, hein? Et en aveuglant son cœur. Et donc, il ne revient pas à la vérité après ça. A'ouz billah. Donc ça c'est grave. Après, qu'est-ce que le cheikh explique ensuite? Il dit wa'alam anna fi kitabillah min an-nahy an. Ça c'est la parole de cheikh Ibn Taymiyyah maintenant. On revient au texte de Iqtida Sirat al-Mustaqim. Il dit wa'alam anna fi kitabillah min an-nahy an mushabahati al-umam al-kafira wa qisasihim allati fiha 'ibratun lana. بترك ما فعلوه كثير مثل قوله لما ذكر ما فعله بأهل الكتاب من المثلات فاعتبروا يا أولي الأبصار وقوله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وأمثال ذلك ومنه ما يدل على مقصودنا ومنه ما فيه إشارة وتتميم للمقصود. Donc, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit ensuite, sache que dans le livre d'Allah, il y a l'interdiction de ressembler aux nations mécréantes. Et dans leurs histoires qui sont mentionnées dans le Coran et dans la Sunna, il y a pour nous, dans cela, une leçon. C'est-à-dire qu'on doit cesser de faire ce qu'ils ont fait. Et il y en a plein d'histoires comme ça. Des histoires de ce que les gens du livre ont fait dans le passé et qu'est-ce qui leur est arrivé comme conséquence, et yani que on ne doit pas faire comme eux. Et il dit que il y a des exemples de ça. Par exemple, ce que les gens du livre ont fait et ce que Allah a fait avec eux par la suite comme châtiment, comme punition, qui représente pour nous une leçon. Hein, quand on le lit, parce que les histoires que Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne dans le Coran à propos des peuples précédents, c'est pas juste des histoires qu'il nous raconte pour nous divertir, comme pour nous raconter des histoires. Non, le but c'est qu'on en prenne une leçon pour qu'on agisse selon cette leçon-là, pour qu'on mette en application ce qu'Allah nous ordonne et qu'on s'écarte de ce qu'il nous interdit. Et non pas juste pour nous amuser par des histoires. Donc il dit par exemple dans le verset 2 dans sourate Al-Hashr, فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, c'est-à-dire prenez donc une leçon, ô vous qui détenez la raison, vous qui comprenez, vous qui avez la compréhension, أُولِي الْأَبْصَارِ, ceux qui ont Al-Basira, ceux qui ont la science, ceux qui ont la compréhension. وَقَوْلُهُ لَقَدْ كَانَ فِي قِصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ, il y a dans leur histoire une leçon pour ceux d'entre vous qui détiennent la raison, qui détiennent le raisonnement, et ainsi de suite. Il dit, et ça fait partie des exemples, il y en a beaucoup d'autres, et il y en a qui indiquent, parmi ces exemples-là, il y en a qui indiquent ce qu'on veut, notre objectif, et il y en a d'autres qui est une preuve directe pour cet objectif, ou sinon une indication de cet objectif, ou bien quelque chose qui vient compléter, qui vient compléter ce qu'on veut expliquer. Donc ça c'est le passage 89. Le Cheikh Al-Fawzan il commente ce point-là en disant: يعني أن الله ذكر في القرآن من القصص الشيء الكثير الذي ينهانا فيه عن مشابهة المشركين الذين عاقبهم الله لما انحرفوا وقد كانوا قبل ذلك معززين مكرمين ومن الأمثلة على ذلك ما حل ببني نضير لما خانوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذاك سلط الله رسوله عليهم فغزاهم بمحلاتهم وحاصرهم وحرق نخلهم ثم تصالحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يجلوا من المدينة ويأخذوا ما خف معهم ويترك الباقي للمسلمين. قال الله في صدر سورة الحشر: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر فأخرج بنو النضير ثم تبعهم بنو قينقاع وبنو قريظة ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. والشاهد هنا قوله فاعتبروا يا أولي الأبصار. وهو تخرج cette partie. Le Cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran plusieurs histoires. Et dans ces histoires, il nous interdit de ressembler aux mushrikins, ceux que Allah a châtiés lorsqu'ils se sont déviés, lorsqu'ils ont dévié. Alors qu'auparavant, ils étaient honorés et nobles. Mais quand ils ont dévié, Allah les a châtiés. Et parmi les exemples de ça, ce qui est arrivé à Bani Nadir. Bani Nadir, c'était une des trois tribus qui, parmi les juifs qui vivaient à Médine. Il y avait trois tribus juives qui vivaient à Médine. Bani Nadir, Bani Qaynuqa et Bani Qurayza. Ça, c'est les trois tribus juives qui vivaient à Médine. Ils s'étaient installés là-bas. Mais quand ils ont trahi leur entente avec le messager d'Allah, alors Allah subhanahu wa ta'ala a mis son messager au-dessus d'eux, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus et il a pris le lieu où ils habitaient, il les a encerclés et ils avaient des dattiers ou des palmiers de dattes, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a brûlés. Ensuite, étant donné qu'ils ont vu qu'ils étaient battus, ils ont fait une entente de paix avec le messager d'Allah, et parmi les conditions de cette entente, c'est qu'ils devaient quitter la ville de Médine et qu'ils devaient prendre avec eux ce qui était léger, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils étaient capables de porter sur eux, et laisser le reste de leurs biens aux musulmans. Et ça, tout ça s'est expliqué dans le début de Sourate Al-Hashr, le début de Sourate Al-Hashr dans le Coran. Et le cheikh, il cite les versets en question, le verset 1 et 2, les versets qui disent ce qui signifie ce qui est dans les cieux et ce qui est sur terre glorifie Allah, et il est le puissant, le sage. C'est lui, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des cieux et de la terre, qui a expulsé de leur maison ceux parmi les gens du livre qui ne croyaient pas lors du premier exode. Vous ne pensiez pas qu'ils partiraient. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a fait sortir Banu Nadir, puis ensuite ils ont été suivis par Bani Qaynuqa et Bani Qurayza. Les trois tribus juives sont toutes parties. Vous ne pensiez pas qu'ils allaient sortir. Vous ne pensiez pas qu'ils partiraient. Et ils pensaient, c'est-à-dire eux, les juifs de Médine, ils pensaient qu'en vérité leur forteresse les défendrait contre Allah. Ils pensaient qu'ils étaient en sécurité contre Allah, dans leur forteresse. Mais Allah est venu à eux par là où ils ne s'en attendaient point et a lancé la terreur dans leur cœur. Ils démolissaient leur maison de leurs propres mains autant que des mains des croyants. Tirez-en une leçon, ô vous qui êtes doués de clairvoyance. Donc, quand il dit tirez-en une leçon, ô vous doués de clairvoyance, le cheikh, il dit, cheikh Al-Fawzan, c'est ça qu'on veut mentionner. C'est ça la preuve. La preuve, c'est tirez-en une leçon, ô vous doués d'intelligence. Dans le sens que c'est une leçon pour nous. Et tadabbaru wa ta'ammalu ya ashab al-uqul wal-basair wa'tabiru ma jara li ha'ula fa innahum ahlu kitab wa ilm walakinnahum lamma khanu Allah wa rasulahu hal bihim ma hal fa alaykum an tahdharu min tariqatihim wat-tashabbuh bihim fi dhalik. Donc il dit, Cheikh Al-Fawzan, il explique le verset, il dit donc réfléchissez et observez qu'est-ce qui est arrivé, ô vous qui détenez la raison, ô vous qui détenez la compréhension. Réfléchissez sur ce qui est arrivé à ces gens-là. C'était des gens du livre, des gens qui avaient de la science. Mais lorsqu'ils ont trahi Allah et qu'ils ont trahi son messager, eh bien Allah les a frappés de ce châtiment-là. Alors vous aussi, faites attention de ne pas suivre leur exemple, pour que justement vous n'ayez pas le même traitement que eux et que le même châtiment ne vous atteigne pas. Parce que si vous leur ressemblez, vous risquez d'avoir le même traitement, la même punition que eux. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il le dit, puis le cheikh il explique bien, c'est des gens qui avaient de la science, connaissaient leur religion, connaissaient Allah. Ils savaient qu'Allah existe, ils connaissent le tawhid, ils connaissent la religion, mais ils ne l'appliquent pas. Donc Allah les a punis. Et donc c'est la même chose pour les musulmans aujourd'hui. Lorsqu'on n'applique pas la religion d'Allah, on n'applique pas le tawhid, on a la connaissance de l'islam mais on ne l'applique pas, eh bien Allah il nous punit. Il fait que nos ennemis ont le dessus sur nous. Et tout le monde aujourd'hui se dit « Ah, mais comment ça se fait que nous les musulmans, on est comme ci, on est comme ça, on a plein de problèmes, on est faible, on a des ennemis qui nous écrasent. Comment on fait pour se sortir de cette situation-là ? Il faut apprendre sa religion puis l'appliquer. Mais si on ne l'applique pas, qu'est-ce qui va nous distinguer de ceux qu'on appelle nos ennemis ? qu'est-ce qui va nous distinguer de ceux qu'on appelle nos ennemis si on est comme eux? Il n'y a rien qui va nous distinguer dans ce cas-là. Et le cheikh il dit, فَلَقَدْ ذَكَرَ خِتَامَ هَذِهِ الْآيَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى لَقَدْ كَانَ فِي قِصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ عَقِبَ مَا جَرَى مِنْ أَحْدَاثٍ لِيُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ وَمَا انْتَهَى إِلَيْهِ أَمْرُهُمْ مِنَ الْإِجْتِمَاعِ وَعَقِبَ مُسَامَحَةِ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ واستغفاره لأبنائه وقول يوسف عليه السلام لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم فالمقصود من ذلك كله الاعتبار والنظر قال سبحانه عبرة لأولي الألباب أي أصحاب العقول أما الذين لا عقول لهم فتمر عليهم هذه العظات أو يعني العظات والعبر دون أن يتأثروا بها والسعيد من اتعظ بغيره والسعيد من اتعظ بغيره. Et ça c'est un point qui est très important. Le cheikh il dit, puis Allah subhanahu wa ta'ala il dit à la fin de ce verset, et c'est sa parole, il y avait dans leur histoire une leçon pour les gens qui détiennent la raison, qui sont doués d'intelligence. Donc après tout ce qui est arrivé à l'histoire, dans l'histoire de Youssef alayhi salam, que les frères de Youssef étaient jaloux de lui, ils ont voulu le tuer, ils l'ont jeté dans un puits pour se débarrasser de lui, ils ont menti à leur père, tout ça après à la fin c'est tout retourné contre eux, et Youssef alayhi salam il les a tous rassemblés à la fin. Et ils ont demandé le pardon à leur père, ils ont demandé que leur père demande pardon à Allah pour eux, et il a demandé pardon pour ses enfants. Et la parole de Youssef alayhi salam qui dit à ses frères, aucun blâme contre vous aujourd'hui, Allah vous pardonne. Donc qu'est-ce qui est voulu, le but de tout ça, c'est de faire comprendre que tout ça, c'est pour nous faire réfléchir et de prendre des leçons. C'est pas juste pour nous raconter des histoires. Les gens, ils prennent Sourate Youssef, ils pensent que c'est comme un genre d'histoire qu'on raconte. Puis il y a toutes sortes d'événements qui se passent, puis c'est divertissant. Mais c'est pas pour le divertissement. C'est pour qu'on en tire des leçons, pour qu'on agisse comme il faut et non pas incorrectement. Donc, c'est une leçon pour ceux qui sont doués de raison et d'intelligence. Mais ceux qui n'ont pas d'intelligence et de raison, ils passent devant ces leçons, devant ces exhortations, sans que ça ne les affecte, du tout. Et le cheikh, il dit, heureux celui qui apprend des leçons par les erreurs des autres. Si tu apprends par tes propres erreurs, déjà c'est bien. Mais encore mieux, si tu peux apprendre par les erreurs des autres. Comme ça, toi, tu n'as pas besoin de tomber dans le trou pour savoir que si tu marches à tel endroit, tu vas tomber. Tu vois quelqu'un qui marche, tu le vois tomber. Tu dis, ah, si je vais là, je dois faire attention. Pas besoin que toi, ça t'arrive pour que tu saches. Il dit, وَقَوْلُهُ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى أي لَا تَكُنْ هَذِهِ الْقِصَصِ مثل قصص التاريخ التي تكون أكثرها كذب وافتراء وإنما هي وحي من الله أوحى به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. Donc il dit dans le sourate Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 111, ce n'est pas une histoire qui est inventée, ce n'est pas des paroles qui sont inventées, c'est-à-dire ces histoires-là, c'est pas des inventions, des contes, comme des contes historiques que les gens inventent, qui sont des mensonges. Non, c'est quelque chose de réel. C'est une révélation d'Allah. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. C'est une révélation d'Allah qui a été révélée à son messager. Et Allah, il dit à propos de son messager, la yantiqu anil hawa. Il ne parle pas selon la passion et les désirs. وقوله ومنه ما يدل على مقصودنا ومنه ما فيه إشارة وتتميم للمقصود أي أن ما يذكره الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب من الآيات والأحاديث منه ما هو نص في المقصود لا يحتمل غيره وهو تحريم التشبه بالكفار عموما من اليهود والنصارى والأعاجم والمشركين وأهل الجاهلية ومنه ما هو ظاهر وعموم واحتمال فيحصل المقصود بالتنبيه فتحريم التشبه إما أن يكون نصا أو ظاهرا وإما عاما أو خاصا. Donc le cheikh il dit ici qu'est-ce qu'on veut dire c'est que يعني, qu'est-ce qu'on a mentionné comme preuve ou qu'est-ce qu'on va mentionner soit que c'est quelque chose qui indique directement qu'est-ce qu'on veut de l'interdiction de ressembler aux kuffars et aux mushrikines et aux juifs et aux chrétiens et ainsi de suite ou bien que c'est quelque chose qui l'indique pas directement mais qui est une indication de ça ou bien qui vient compléter quelque chose qui complète d'autres preuves qui indiquent l'interdiction et c'est ça ce que le cheikh explique. Il dit donc dans ce livre il y a des versets, il y a des hadiths. Parmi ces versets, il y en a qui sont des textes explicites et clairs sur le sujet de l'interdiction d'imiter les kuffars et les mushrikines et les juifs et les chrétiens et les gens de la jahiliya, et d'autres textes qui ne sont peut-être pas explicites mais qui sont dans leur sens apparent une interdiction dans leur sens général et qui implique cette interdiction-là. Et le but c'est yani de mentionner ou d'indiquer l'interdiction. Donc, comme on a expliqué au dernier cours, qu'il y a des textes qui sont généraux, il y en a d'autres qui sont spécifiques, et ainsi de suite. Donc, nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera après-demain. Demain, c'est le dars de fiqh, hein, Adab al-Mashi et la Salat, après Maghreb encore, Inch'Allah. Donc, si tu veux faire le Adhan Abdul Malik, Inch'Allah. Hier, oui, on a fait un cours après l'Asr. On a fait, je pense, je me rappelle plus. Attends, laisse-moi réfléchir. On a fait Aqidat al-Raziyin. Ouais. Ça va, Mustapha? Allah.